la banquette arrière d'une limo des plus chères. Grosse poche s'applaudit, il a encore réussi, avec l'aide de ses amis politiciens et journalistes qui mangent tous dans sa main. Nous avons réussi à convaincre l'homme de la rue que l'environnement c'est l'affaire de chacun. Pendant que tous recyclent le verre et le papier, mes usines à moi continueront de polluer. Grosse poche, encore une fois bravo, grosse poche, c'est toujours toi qui empoche. Pendant que le peuple après sa queue court, les grosses poches gagnent toujours. Devant son miroir grand comme une patinoire, grosse poche se contemple. Mon Dieu, comme je suis beau, je suis tout un animal et en plus génial. Je trouve de nouvelles sources pour augmenter mon capital. Avec mes avocats, moi, je batte les syndicats. Je vais baisser les salaires et je pose mes conditions. Et grâce au sacrifice de ces gangs petits, mes usines continueront à engraisser les profits. Grosse poche, encore une fois bravo, grosse poche, c'est toujours toi qui empoche. Pendant que le peuple après sa queue court, les grosses poches gagnent toujours. Et si par malheur quelque imprudent venait à déterrer quelques scandales, quelque anormalité, alors une armée d'avocats aura tout fait de répliquer. Et si comble de malchance, coupable et condamné, on pourrait le voir propre et maquillé, oublié quelques jours dans une prison dorée. Alors, sourire en coin, verre de scotch à la main, il en sortirait sans doute grandi, car... Les grosses poches gagnent toujours. À la bourse c'est inscrit, les grosses poches gagnent toujours. Tous les actionnaires l'ont dit, les grosses poches